Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente. Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables. Épisode 12, domestiquer la contestation. Avec la société nucléaire, l'utopie perd tout sens. Quelle que soit la famille spirituelle à laquelle on appartienne, libertaire, antirépressive, libérale ou même autoritaire, nous exigerons le renforcement indéfini de la répression. L'accroissement continu des contrôles à tous les stades de la production, pour le recrutement des employés, pour la compétence des dirigeants techniques et des fonctionnaires chargés de ces contrôles, le renforcement des contrôles dans les usines de production de tous les matériels entrant dans la composition des installations nucléaires. Si la population venait à prendre au sérieux les déclarations officielles sur la gestion des risques, elle devrait imposer un système plus contraignant, voire répressif, vis-à-vis des gestionnaires. Les coûts d'exploitation augmenteraient considérablement et la direction techno-bureaucratique n'aurait pas la stabilité et la permanence qu'elle connaît actuellement. Quant aux employés, il devient évident qu'ils doivent assumer leurs tâches, quelles que soient les conditions. Et la grève revendicative, sous la forme que nous connaissons, sera remisée au placard des antiquités. Au cas où une installation serait en détresse, la population doit être assurée que tout le monde restera à son poste pour gérer en rapproché la catastrophe. La militarisation des entreprises est une nécessité sociale. La voie vers un État autoritaire, voire totalitaire, devient une nécessité naturelle et non plus le résultat d'un choix de la population ou de la prise de pouvoir d'une minorité. La dynamique de la société nucléaire est redoutable par sa logique extrême. Les antinucléaires, et plus généralement le mouvement écologiste, en ne réclamant que des contrôles de plus en plus stricts et une réglementation plus contraignante, participent à cette dynamique indépendamment des valeurs nouvelles qu'ils voudraient développer dans la société. C'est ce que, dans les années 70, le mouvement Survivre et Vivre avait pressenti en expliquant ce que pouvait être l'écofascisme. How many roads must a man walk down before you call him a man? Alors qu'en juillet 68 est signé le traité de non-prolifération nucléaire, qui interdit à de nouveaux pays de se doter de l'arme atomique, et que dans plusieurs coins du monde, la jeunesse se révolte, les puissances nucléaires s'orientent déjà vers les applications civiles du nucléaire. Au centre atomique de Marcoule, le président de Gaulle a pu constater le chemin parcouru depuis qu'en 1945, il signa l'acte de naissance de l'industrie nucléaire en France. Aujourd'hui, le centre fonctionne et produit. Avec la pile G2, qui aura bientôt une sœur, G3, l'usine de plutonium est l'élément essentiel de Marcoule. C'est ici le germe de la puissance d'un pays, dans l'ordre industriel comme dans l'ordre militaire. Et c'est cette promesse qu'a voulu marquer le général de Gaulle en 10 ans. Il est saisissant de constater ce que sont les réalisations françaises quand on s'en donne la peine. Sous Pompidou, en 69, malgré 30 ans de recherche française en la matière, la filière choisie pour les centrales est sans surprise de licence américaine. Les intérêts qui unissent alors une grande partie du patronat français, l'appareil politique et les nucléocrates à la filière américaine, les poussent à renoncer à la filière graphite gaz française. Et puis la présence de Valéry Giscard d'Estaing au ministère de l'économie et des finances, liée à la famille Ampeng-Schneider, n'est sans doute qu'un hasard dans cette décision. La licence Westinghouse est en effet détenue en France par Framatome, qui appartient au groupe Schneider. Six premiers réacteurs électronucléaires sont prévus sur le territoire français. Suivent les premières manifestations contre les implantations. Contre le projet de construction d'une centrale à Fessenheim, en Alsace, sur le Rhin, en avril 71, plus d'un millier de personnes manifestent. Et 10 à 15 000 personnes au Bugey en juillet 71. Se crée en 1972 SOS Golfech à Agen, dans le Tarn-et-Garonne, et en 1973, le comité antinucléaire à Paris. À la fin de l'année 72, Pierre Fournier crée un journal d'abord mensuel, puis hebdomadaire. La gueule ouverte devient rapidement une revue emblématique de la contestation du nucléaire. Le journal consacre de nombreuses pages de ses numéros au thème du nucléaire, avec une volonté d'expliquer de manière abordable les problèmes que pose cette technologie. On peut citer aussi Charlie Hebdo et l'organisation Les Amis de la Terre comme étant des précurseurs dans la diffusion des idées antinucléaires. C'est avec l'arrivée du plan Messmer sous Giscard et le choix politique d'une nucléarisation massive de la France que le mouvement antinucléaire va réellement émerger et devenir massif, principalement autour des futurs sites nucléaires. Aubaine pour les nucléocrates, le choc pétrolier de 73 leur donnera un argument en or pour intensifier ce programme. C'est le fameux coup de l'indépendance énergétique. Et pourtant, c'est 5 mois avant la crise au Proche-Orient, le 22 mai 73, qu'avait déjà été décidé d'accroître le programme de centrales nucléaires en le portant de 8000 à 13000 MW pour la période 72-77. Le 5 mars 1974, Messmer, Premier ministre, accélère encore ce programme. Ils ont pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 MW chacune qui coûtent environ 1 milliard de francs actuels chacune. C'est une décision extrêmement importante. Aucun pays au monde, sauf les États-Unis, ne fait un effort comparable. Et il y a là véritablement une des grandes œuvres que nous allons réaliser au cours des prochaines années. Alors je voudrais ajouter un mot. Dans cet effort que nous faisons pour acquérir une certaine indépendance, ou disons une moindre dépendance énergétique, la priorité nous la donnons à l'électricité. Et dans l'électricité, nous la donnons à l'électricité nucléaire. C'est un effort considérable qui est exigé du gouvernement, qui est exigé d'EDF. Je m'y engage personnellement et je m'attacherai personnellement à ce que ce soit un succès. Les 13 000 MW prévus pour être réalisés de 72 à 77 seraient entièrement engagés avant la fin 75. Plus tard, les investissements d'EDF seraient poursuivis au même rythme, soit 50 000 MW nucléaires de 74 à 80. Ce qui correspond à 55 réacteurs de 900 MW en plus des 6 déjà en activité. Si la section CFDT du CEA s'inquiète d'une accélération du programme nucléaire alors que les scientifiques ne maîtrisent pas encore cette technologie, d'autres groupes s'opposent frontalement à toute utilisation du nucléaire. Les sites choisis pour les centrales deviennent, à plus ou moins grande échelle, chacun avec ses particularités, des foyers de résistance. L'ambiance sociale est à la critique de la domination en général, mais aussi de la société de consommation, de l'industrialisme et de l'impérialisme. Les origines du mouvement antinucléaire sont donc multiples. Certains courants du christianisme, de la non-violence, du socialisme autogestionnaire et de l'anarchisme, entre autres. En outre, bon nombre d'antinucléaires sont issus du monde paysan ou en font partie. La tension commence à monter un peu partout en France autour des sites convoités par EDF. À Fessenheim, il y a 4 ans, ils étaient 1500 pour la première manifestation européenne contre l'énergie nucléaire. Hier, ils étaient 10 000 malgré le froid et le temps gris. 10 000 venus de toute l'Europe et partagés entre les discours des écologistes et des scientifiques, et l'immense braderie installée aux abords de la scène principale. Car il fallait en profiter, c'était le dernier rassemblement du genre pour Fessenheim, une centrale déjà en travaux. Georges Krasowski, vous avez, je crois, fait la grève de la faim pendant près d'un mois et maintenant vous participez à cette manifestation de Fessenheim. J'aimerais savoir ce que vous attendez de Fessenheim. Eh bien, c'est avant tout le rassemblement de tous ceux qui considèrent que le programme nucléaire constitue une véritable démence. Je crois qu'il était bon que toutes ces personnes se rassemblent, puissent s'exprimer devant la presse et ensuite rentrer chacun chez soi avec encore plus de confiance dans l'avenir, car il n'est vraiment pas possible que, en fin de compte, l'instinct de conservation et le bon sens ne triomphent pas sur quelques rêves utopiques de technocrates. La meilleure façon de contrecarrer la contestation se développant est d'engager l'opération au plus vite, de manière irréversible. Affirme en 1977, dans une lettre confidentielle, un responsable de la NERSA, société chargée de la construction de Superphénix. Dans les années 70, cette stratégie consistant à construire les centrales nucléaires au plus vite sera déterminante dans l'échec du mouvement antinucléaire français. Lors du choix des sites, EDF privilégie les espaces peu habités, peu propices aux contestations massives, et opte si possible pour des sites déjà équipés d'une centrale nucléaire ou hydroélectrique. Cela lui permet de bénéficier d'infrastructures déjà existantes, mais aussi d'un climat social favorable au nucléaire, les oppositions étant en général moindres là où EDF est déjà implantée. Cette politique de construire au plus vite est largement facilitée par diverses procédures administratives. Premièrement, la durée de construction des centrales est raccourcie à 6 ans en moyenne, alors qu'il en faut 8, voire 10 aux États-Unis. Deuxièmement, l'obtention d'autorisation de construction de centrales nucléaires est simplifiée par décret en 1973. Par ailleurs, l'évaluation de l'utilité publique de celle-ci se fera sans étude d'impact environnemental jusqu'en 1978. Entre-temps, EDF obtient le feu vert pour démarrer une trentaine de chantiers sur 8 sites. Alors qu'aux États-Unis ou en Suède, les enquêtes publiques permettent dans les années 70 de faire retarder certains projets, celles effectuées en France ne durent que 2 à 3 semaines. Elles ne permettent donc pas de faire connaître au grand public les enjeux majeurs de cette politique industrielle nucléaire, ni même une étude sérieuse par les opposants capables d'expertise. Ces lacunes aux modalités d'enquête publique provoqueront d'importantes protestations. Depuis 1974, que nous avons appris qu'il y avait une centrale de prévue à Plogov, nous n'avons cessé de protester contre. En 1975, le conseil municipal avait pris une délibération. Nous avons toujours dit à M. le préfet que nous étions contre. Donc, il était normal que nous fermions la mairie à l'enquête d'utilité publique. Boycotter l'enquête d'utilité publique, autrement, comment cette décision aussi a été prise? Je pense que c'est venu spontanément. Le conseil municipal et la population regroupée en comité de défense l'ont fait spontanément et sans concertation, je crois. C'est logique, nous n'en voulons pas. Nous savons de toute façon que ces enquêtes, on n'en tient pas compte. Au Pèlerin, à Golfech ou encore à Plogoff, les dossiers relatifs aux enquêtes taxées d'enquêtes bidons sont détruits. Le gouvernement répond à la radicalisation des luttes en recourant aux dispositifs policiers, composante incontournable de la politique du « construire au plus vite ». L'enquête portant sur la centrale de Plogoff devint, début 1980, le théâtre d'affrontements violents. Près de 4 kilos de dossiers du maître d'ouvrage, EDF, sont brûlés sur la place de la mairie. S'ensuivent des nuits de barricades, des marches de protestation massives et le refus de 4 municipalités d'accueillir l'enquête publique. Plogoff, Clédin, Primelin, Goulian. Cela contraint le gouvernement à déployer des mairies annexes, protégés par des gendarmes mobiles, voire des parachutistes ou des militaires. Fin février 80, on compte un gendarme pour deux manifestants. Dans ce combat inégal, les arrestations et procédures de flagrant délit se multiplient, et finalement l'enquête publique se clôt, comme à l'ouverture, sur une manifestation rassemblant près de 50 000 personnes, le 16 mars 1980. Ce dimanche-là, veille du procès, à l'appel de tous les clans de Bretagne, des comités de défense et aussi de l'association Évite du hasard rap, plus de 60 000 personnes venues de toute la Bretagne rappellent par leur présence qu'elles sont aux côtés de Plogoff dans ce combat. En dépit de ces très fortes manifestations, en avril 80, la commission d'enquête émet un avis favorable au projet de centrale de Plogoff. Face à ces multiples stratégies destinées à construire au plus vite, les opposants se tournent vers la sphère judiciaire à partir de 1975. Les dépôts de plaintes sont nombreux par des groupes antinucléaires, mais aussi par des conseils municipaux, généraux ou régionaux, voire des communes étrangères. Les recours demandant l'arrêt des chantiers entrepris sans autorisation de construction seront tous rejetés par les tribunaux, qui se déclarent incompétents pour reconnaître l'illégalité des travaux d'EDF, qui parvient à les justifier en expliquant soit que les travaux ne sont pas irréversibles, soit que les terrains sur lesquels les chantiers ont commencé lui appartiennent. Par ailleurs, la justice permet à EDF de régulariser après coup les démarches qui se sont avérées irrégulières, et ce, de manière systématique, parfois en pleine audience, comme le témoigne un avocat des groupes antinucléaires. Pendant l'audience, arrive un permis de régularisation, et c'est terminé. L'administration a toujours le droit de régulariser. Et ça s'est passé comme ça, tout le temps, dans le dossier nucléaire. Elle annulait, puis elle régularisait. Toutes les situations ont été régularisées, a posteriori et à chaque fois. La liste est longue en ce qui concerne les refus des tribunaux auxquels se heurtent les opposants au projet nucléaire pendant cette période. Elle illustre un tableau unique, celui de l'imperméabilité de la sphère judiciaire à la contestation lors de la mise en place du programme électronucléaire français. Dans d'autres pays, comme en Allemagne, les militants parviennent à obtenir des succès judiciaires. En France, l'ensemble des recours à la justice est soit rejeté, soit classé lorsque les chantiers s'achèvent, avant que ne se finalisent les procédures judiciaires entamées. Et dans tous les cas, les tribunaux refusent de juger sur le fond. Pendant les années 70, une stratégie phare d'EDF consiste à associer au projet nucléaire des bénéfices économiques concrets et immédiats. En premier lieu, la promesse d'emploi. Elle joue un rôle majeur dans la conversion des élus locaux et des populations locales à la cause nucléaire. Cependant, des controverses surgissent, les uns critiquant le fait que l'arrivée d'une centrale nuira au métier traditionnel, les autres craignant que les offres d'emploi ne soient pas durables, qu'une fois les chantiers terminés, les ouvriers soient licenciés. Face aux critiques, EDF réussit à ajuster son action. Elle lance sur certains sites des projets pilotes destinés à valoriser la main-d'œuvre locale. Elle offre aussi, pendant cette période, des faveurs économiques aux communes accueillant les centrales, en finançant des lieux de loisirs, de culture et de sport. Les piscines olympiques deviennent le symbole de l'attractivité de la manne nucléaire. Des aides financières directes sont également mises en place. En 1975, le label Grand Chantier entre en scène. On est favorisé pour les réseaux par l'apport de la patente qui tout de même est substantielle. Oui, on va quand même parler chiffres. Je crois que la patente se chiffre en centaines de millions. Oui, c'est exact. C'est exact. Exactement combien? Exactement combien? Ben mon Dieu, entre 400 et 500 millions, disons. Ça vous permet de faire des réalisations spectaculaires? Nous avons fait des réalisations importantes en dehors des écoles que nous avons dû construire pour l'accueil. Nous avons fait une piscine. Nous avons fait un gymnase, nous avons un projet de maison de retraite et de CES qui deviendra obligatoire aussi en raison de l'afflux de la population. La même année est créée la taxe professionnelle qui prévoit le versement par EDF d'environ 5 000 francs par habitant aux communes acceptant de se nucléariser. Enfin, pour rendre les centrales attractives au niveau des régions, des conventions et contrats spécifiques sont parfois mis en place. À Golfech, où les contestations sont très vives, EDF conclut en février 82 un accord pionnier avec la région Midi-Pyrénées. L'entreprise s'engage à verser au conseil régional, alors à majorité socialiste, 10 millions de francs par an pendant les travaux et 6 millions chaque année pendant toute la période d'exploitation de la centrale. Cet accord apaisera de façon considérable les oppositions exprimées au sein du conseil régional. Au-delà de ces formes, plus ou moins directes, de gestion des critiques, un instrument majeur repose sur le recours conjoint à l'information et au secret. Avec l'hypothèse que le refus des centrales relèverait en grande partie de l'ignorance du public, EDF s'attache à l'informer dans le but de l'éduquer, mais sans l'affoler. Parler fort pour se faire entendre et pour ne pas laisser le champ libre aux antinucléaires devient le fil directeur d'une politique d'information professionnalisée. Dans le même temps, bon nombre d'informations demeurent confidentielles. Ainsi, une stratégie de communication persuasive se met en place. Un dispositif précis est élaboré par le service des relations publiques d'EDF. Au croisement de la vulgarisation scientifique, de la communication et de la publicité, elle s'adresse aux élus, journalistes, médecins, enseignants, étudiants ou simples particuliers. Environ 1 million d'exemplaires de documentation est diffusé gratuitement chaque année par EDF, qui alloue environ 6 millions de francs par an pour les seules campagnes de publicité. De nombreux films pédagogiques sont offerts aux écoliers, voire aux enfants plus petits. À l'instar de la série de dessins animés, des atomes et de l'électricité, diffusée sur TF1 à partir de 77. Pour avoir de l'électricité, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de brancher. On branche la prise, en effet, et ça donne de la lumière. Ça fait du chaud ou du froid. L'information du public est aussi rendue opérante à travers la visite de centrales, qui ouvre rapidement la voie à un tourisme nucléaire. Le message véhiculé est clair. L'énergie nucléaire est indispensable pour l'indépendance nationale. Elle est un véritable facteur de progrès. Quant au risque, EDF affirme alors qu'une centrale nucléaire ne peut pas exploser comme une bombe, qu'elle ne pollue pas, voire que la radioactivité artificielle, loin de dégrader la santé de l'homme, est un moyen d'améliorer ses conditions de vie. Enfin, pour combattre la peur infondée des populations, EDF se réfère à un rapport de l'OMS de 1958 qui affirmait que le refus du nucléaire pouvait être considéré comme un problème de santé mentale dû à une incapacité de s'adapter à l'âge atomique. En réaction, les contestataires intensifient leurs efforts d'information auprès du public. Et paradoxalement, cette bataille de l'information orientera progressivement le débat autour du droit à l'information et à l'expertise, une orientation pas forcément émancipatrice pour le mouvement. Au fond, que pensent et que veulent les contestataires? De quelle manière leurs propos influent-ils sur le public? Le souci d'apporter des réponses à ces questions fait émerger tout un éventail d'instruments d'analyse et de surveillance des contestataires. Chez EDF, une équipe interdisciplinaire est mise sur pied dès 72. La mission même de l'électricien se voit transformée. Elle ne concerne plus seulement la production d'électricité, mais consiste désormais à mieux comprendre la société afin de mieux agir sur elle. Le mouvement antinucléaire donne ainsi lieu à la naissance de think tanks dédiés à l'industrie nucléaire. Les recherches psychologiques et sociologiques produites dans ce cadre font apparaître une conception plus ou moins commune de l'écologie. Elle dénonce le mouvement écologiste en tant que mouvement anti-technologie, porté par des nostalgiques primitifs qui rêveraient de l'avènement d'une société post-industrielle, type agricole, y compris dans une posture spirituelle, mystique, religieuse. Ces études opèrent alors une distinction très nette entre les opposants politiques et les opposants craintifs. Les premiers, un petit groupe constitué d'écologistes, manipulant les seconds, c'est-à-dire le public. Les conflits autour du nucléaire sont ainsi présentés comme une confrontation entre les progressistes et les partisans du retour à la bougie, entre les confiants et les rabat-joie. De vastes campagnes d'information sont lancées pour empêcher que le public ne soit converti à la cause anti-nucléaire. Mais il ne s'agit pas alors pour EDF d'informer le public tout azimut. Cette stratégie est considérée contre-productive, car elle fournit à l'adversaire l'occasion de s'exprimer également. Il s'agit plutôt de faire en sorte que le public apprenne à raisonner en prenant conscience de la réalité économique du monde, pour qu'alors restent en retrait les attitudes irréalistes et irresponsables telles que l'écologisme. Autrement dit, deux logiques sont pour les promoteurs du nucléaire complètement antinomiques dans cette période de forte contestation. L'économie contre l'écologie. Pour saisir la catégorie de personnes qui s'avèrent peureuses vis-à-vis des centrales nucléaires et donc influençables par les thèses antinucléaires, EDF et le CEA mettent également en place un dispositif de mesure systématique de l'opinion. Près de 120 sondages nationaux sont menés durant la décennie 70. Sont interrogés le grand public, les riverains des sites nucléaires, les jeunes, les journalistes, les élèves ingénieurs, les cadres supérieurs ou encore les enfants. Chaque conjoncture pouvant influer sur le débat nucléaire est intégrée au questionnaire. À partir de 1976, une attention particulière est portée aux images sociales et mentales, voire aux fantasmes du nucléaire dans le public. Longtemps vu comme une forme moderne de démocratie directe, les sondages d'opinion peuvent aussi servir d'excellents dispositifs de surveillance des masses. Les sondages fournissent aussi à EDF un repère sur les nouvelles sensibilités du public, notamment la pollution. En outre, ils apportent aussi des informations précieuses sur la diversité des prises de position par rapport à l'atome. Enfin, au-delà des sondages nationaux, les sondages menés autour des sites locaux permettent à EDF de cartographier les zones chaudes, susceptibles de constituer un obstacle majeur à l'implantation des projets. Concrètement, une donnée majeure est recueillie par les sondages. L'hostilité forte vis-à-vis des installations nucléaires diminue au fur et à mesure de la réalisation des projets. Cette donnée motive en grande partie la politique qui consiste à implanter au plus vite les centrales nucléaires. EDF prend aussi acte de la divergence notable, d'une région à l'autre, de perception publique du nucléaire. Une stratégie d'information par région est ainsi entreprise. Les efforts portent leurs fruits. Les sondages se veulent rassurants dès le début des années 80. Dans les mois qui précèdent l'accident de Tchernobyl, les résultats s'avèrent tellement bons qu'EDF s'interroge même sur la nécessité de poursuivre les sondages. La saisie statistique de l'opinion joue un autre rôle clé. Construire une opinion publique en alternative au mouvement anti-nucléaire. Une alternative rendue scientifiquement légitime via les chiffres. Nombre d'analystes ont montré comment les sondages peuvent fabriquer un public ou une opinion publique qui exprime ce que l'on souhaite entendre s'exprimer. À titre d'exemple, en 1973, 60% des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête commanditée par EDF définissent l'énergie nucléaire comme la forme d'énergie ayant le maximum d'avenir. Or, des résultats tout autres sont obtenus lorsque la question est formulée d'une manière légèrement différente, comme suit. Quand on parle de l'énergie nucléaire, qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit ? Seuls 8% des sondés associent alors l'énergie nucléaire à l'avenir. 13% l'associent à la bombe et 10% à la pollution, à la radioactivité et aux déchets. La parole du public est aussi fortement orientée selon la manière dont le débat est cadré par les enquêteurs. Par exemple, à partir de 1977, à la suite des événements de Creys-Malville, et dans un contexte de consultation publique décisive programmée dans d'autres pays comme la Suède, l'Autriche ou la Suisse, la question de la participation démocratique disparaît de la plupart des sondages d'EDF. Enfin, l'instrument sondagier devient rapidement controversé. Le public, majoritairement favorable au nucléaire, tel qu'il avait été mesuré, mais aussi dans une certaine mesure fabriqué, suscite de vives polémiques entre promoteurs et détracteurs de l'énergie nucléaire. Survenu le 28 mars 1979, à une dizaine de kilomètres de la ville d'Harrisburg, l'accident de Three Mile Island crée un réel choc aux États-Unis. En revanche, en France, cet accident suscite une toute autre dynamique. D'un côté, les autorités nient tout risque d'accident de ce genre dans le parc nucléaire français, pourtant équipé du même type de réacteur, en expliquant que ceux-ci, lors de leur importation, ont été totalement francisés pour répondre à des normes de sécurité plus élevées. D'un autre côté, l'espace de la critique se trouve alors déjà affaibli en France et peine à retrouver une voix forte malgré cet événement majeur. Hier, comme prévu, à 8h, les opposants au nucléaire se regroupent à Morestel, Montalieu et Courtenay. Ils forment trois colonnes qui convergent vers le site de Superphénix. Sans rencontrer de résistance, ils pénètrent dans la zone interdite, car les forces de l'ordre se sont repliées vers l'intérieur. Lorsque les manifestants rencontrent les premiers barrages, ils ne les affrontent pas, mais essaient de les contourner. Vers midi, tous se retrouvent à Faverges où tout a commencé et où Vital Michalon a trouvé la mort. Plusieurs dizaines de manifestants appartenant au doyau dur des contestataires se heurtent aux gendarmes mobiles. Jets de pierres et de boulons d'un côté, tirs de grenades lacrymogènes ou offensives de l'autre. C'est un scénario qui se reproduira à plusieurs reprises dans l'après-midi, et à 21h hier soir, on se battait encore aux abords de Morestel. À aucun moment, Superphénix n'a été menacé. L'objectif de René Janin, le préfet de l'Isère, était atteint, mais le bilan est lourd. Un mort, 5 blessés graves et une centaine de blessés légers. L'autopsie du corps de la victime dira dans quelles conditions la mort est intervenue, car sur ce point, les témoignages restent assez flous. Les raisons de l'essoufflement rapide du mouvement anti-nucléaire français sont complexes. Nombre d'analystes s'accordent à dire que la répression policière, qui marquera en particulier l'été 77, y joue un rôle central. Après les événements de Cresmalville, la contestation anti-nucléaire est déstabilisée, déboussolée. D'autres facteurs contribuent également à son affaiblissement. Les clivages propres au mouvement, qui précisément empêchent celui-ci de devenir un vrai mouvement social. La crise économique de la fin des années 70, accompagnée du deuxième choc pétrolier de 80-81, qui porte au premier plan la question du chômage au détriment de celle de l'environnement. L'affaiblissement plus général de la critique post-68arde. Le confinement des luttes au niveau local, une fois les centrales installées. Et enfin, la victoire présidentielle de François Mitterrand joue un rôle tout particulier dans l'essoufflement du mouvement antinucléaire. Celui-ci délègue les problèmes nucléaires au Parti socialiste, qui récupère les votes écologistes. Une fois au pouvoir, il renonce à ses promesses électorales, voire œuvre davantage que la droite à la nucléarisation accélérée de la France. Le débat national sur le nucléaire, qui devait être suivi d'un référendum, est remplacé par un débat parlementaire. Organisé en octobre 80, il permettra d'entériner le choix nucléaire. Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement de Pierre Mauroy signe l'autorisation de construire 6 nouveaux réacteurs en 82 et 83. Il décide de poursuivre le retraitement. Il donne même son accord à la construction d'un réacteur, UP3, sur le site de La Hague, destiné au retraitement des déchets étrangers, sous prétexte que celui-ci permettrait un apport sensible de devises. À 7h30, les techniciens de La Hague sont là, et à 8h15, on commence à lever le premier conteneur. Au total, le chargement compte une trentaine de tonnes de combustibles irradiés destinés au retraitement qui s'effectuera à La Hague. 8 conteneurs en provenance du Japon, dont les 4 plus petits représentent tout de même 180 tonnes. Auparavant déjà, les premiers manifestants écologistes se trouvaient au port. En face, un escadron de gendarmerie mobile. D'une quarantaine, les manifestants passent rapidement à la centaine. Les écologistes se rassemblent sur les rails, empêchant la locomotive de pénétrer dans le port. Le PS décide aussi de poursuivre la construction de Superphénix. Il n'y aura que deux gages accordés au mouvement anti-nucléaire afin de mieux nucléariser la France. L'abandon du projet de la centrale de Plogoff, qui fait alors l'objet d'une quasi-guerre, et le renoncement au site du Pèlerin, auquel on trouve aussitôt un substitut, le Carnet. L'arrivée du PS au pouvoir n'entraîne donc presque aucun effet contraignant sur la nucléarisation du pays. Elle aura en revanche des conséquences notables sur la manipulation de la critique et de l'espace public. La lutte anti-nucléaire fut aussi un combat droite-gauche. Mais quelle que soit la forme qu'il prend, l'atome socialiste sera moins contesté. Si les socialistes parviennent à trahir aussi vite une bonne partie de leur électorat anti-nucléaire, c'est qu'ils promettent dans le même temps de moderniser tous azimuts le secteur nucléaire, en informant le public, en démocratisant les procédures, en dialoguant avec les contestataires. Il s'agit là d'autant d'actes de foi désormais considérés comme incontournables pour la durabilité du secteur nucléaire. Ainsi, en réponse directe aux critiques, la procédure d'enquête publique voit une nette amélioration, inscrite dans la loi en 1981. Des agences régionales d'énergie sont créées pour atténuer la trop grande centralisation de la filière. Des commissions locales d'information sont mises en place pour abandonner l'image d'un nucléaire voué au secret. On fait surtout, désormais, bon usage des acteurs critiques, en les associant directement à la gestion du nucléaire au sein de commissions ouvertes aux ONG, voire en attribuant à certains d'entre eux de hautes responsabilités au sein de ministères, d'agences gouvernementales ou de municipalités. L'institutionnalisation de la critique peut être appréhendée comme une manière de responsabiliser les acteurs, en les rapprochant des lieux de pouvoir, en modifiant leur champ d'action, mais aussi en mettant à contribution leurs compétences scientifiques et politiques dans un cadre prédéfini. Ce processus entraîne la modération de la critique, étant donné qu'il est plus difficile de dénoncer l'énergie nucléaire de l'intérieur des institutions que de l'extérieur. Il contribue également à brouiller les frontières entre des acteurs en conflit, au fur et à mesure que ceux-ci interagissent, voire à transformer la perception que les uns avaient des autres jusqu'alors. La composante scientifique du mouvement, jugée la plus rationnelle, est plus particulièrement visée par la stratégie socialiste d'intégration des contestataires pendant cette période. Le programme qui laisse, du début 81, l'énergie, l'autre politique, est élaboré en collaboration avec les scientifiques contestataires. Le rapprochement ainsi opéré entre le PS, les scientifiques et les syndicalistes contestataires jouera un rôle central dans la réussite de la stratégie socialiste à faire entrer la critique dans le système. On a donc affaire, au début des années 80, aux premières initiatives dites de démocratie participative ou de dialogue. Ces quelques tentatives parviennent à rendre la critique de l'énergie nucléaire à la fois institutionnelle et scientifique, deux phénomènes conjoints qui seront particulièrement visibles dans la nouvelle période de controverse inaugurée par l'accident de Tchernobyl en 1986. La relative modernisation de la critique pendant la période mitterrandienne semble en phase avec ce que Luc Boltanski et Eve Capello, auteurs du livre « Le nouvel esprit du capitalisme », observent comme une évolution plus globale. Selon eux, les changements survenus dans le milieu du management en réaction au bouillonnement social issu de mai 68 entraînent la formation d'un nouvel esprit de capitalisme. Dans ce cadre, les deux sociologues font jouer un rôle moteur à la critique. Ils montrent que le capitalisme a trouvé chez ses détracteurs la voie de sa survie en intégrant une partie de celle-ci. Si ce nouvel esprit apparaît dans leur analyse comme une sorte de combustible indispensable pour maintenir en marche le système capitaliste, dans le dossier nucléaire, il prend une importance capitale suite à l'accident de Tchernobyl. Il joue ensuite, à partir du milieu des années 90, un rôle majeur dans la renaissance nucléaire proclamée. La prise de contrôle de la critique s'opère là, au travers non seulement de son institutionnalisation, mais aussi à travers la récupération des discours et des valeurs auxquels s'attachent les contestataires. La dimension morale qui se place au cœur du nouvel esprit sera construite précisément à partir de trois types de revendications du mouvement antinucléaire: la transparence, la participation du public et l'écologie. La transformation des discours de légitimation de l'énergie nucléaire se fera de façon continue en fonction de la critique et de son effet dynamique. Ainsi, à partir de la fin des années 90, avec notamment la montée en puissance du discours de l'atome écolo, la critique se trouvera désarmée. Le vieux monde qu'elle dénonçait, celui de l'atome en guerre contre l'écologie, disparaît. Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Immersion en milieu radioactif. Territoire où la catastrophe semble permanente. Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lafabriquedeloubli.noblog.org.